Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'épisode 5 du podcast de Papa Cassette. C'est Dominique Bourret, Papa Cassette lui-même, qui vous parle. Et puis, je vais être seul ce soir. J'aurais pas le choix de changer la forme un peu du podcast, si je peux dire, parce que, comme vous avez pu constater, il est très... il n'y a pas des épisodes souvent. C'est que j'ai un problème de temps. J'ai un problème de trouver un espace, un trou dans l'horaire pour le faire. Quand ça se faisait, je le faisais avec Éric Hébert du podcast Geek Collectif et puis avec Michael Larouche aussi de RetroGamer.ca. Et puis, c'est difficile d'avoir tout le monde en même temps parce que Éric est DJ chez Arcade Montréal le vendredi. Et puis, je faisais ça le vendredi soir aussi parce que ma blonde est au service chez Arcade Montréal le vendredi. Donc, c'est comme le soir que je suis un peu seul à la maison. Pendant la semaine, j'ai pas vraiment le temps. Le samedi soir, ben, actuellement, je suis avec ma blonde, tu sais. Fait que j'avais juste le vendredi. Or là, le vendredi, Eric, il est DJ, puis il fait les tournois chez Arcane Montréal. Michael, il est pas mal occupé. Puis moi, personnellement, je vais chez Arcane Montréal à presque tous les jeudis. Puis je me couche tard. Fait que, puis comme je suis un gars qui a bien de la misère à avoir de la retenue, je me couche magané. Puis le vendredi, je suis pas mal scrap. Fait que c'est rare que j'ai la force d'inviter les gens puis de faire un podcast, de faire une grosse affaire autour de ça. Souvent, je fais juste comme chiller puis me coucher tôt. Fait que je me suis dit, puis Eric, il m'a proposé ça aussi, de faire un podcast seul, mais plus court, comme des chroniques, comme des petites chroniques, là, papa cassette plutôt qu'un grand show là, avec des gens puis tout ça. Fait que ça, c'est pas compliqué. Je prends mon téléphone, je prends une application, mes écouteurs qui me servent de micro, puis that's it. Je pars le show. Donc, j'ai envie d'essayer ça. C'est ça que je vais faire. J'ai écrit une genre de petite structure, un genre de petit squelette, parce que j'aime bien niaiser en disant que j'ai pas besoin de structure. La structure, c'est pour les caves. Mais c'est quand même important d'en avoir une petite. Fait que, on va commencer ça. D'abord, excusez, je suis magané, hein? Comme je disais, j'ai bu un peu trop de bière hier soir. Restant bronchite aussi. Donc, je voulais faire une mise à jour sur Rétro Nouveau. Plusieurs personnes qui écoutent Rétro Nouveau ont vu que j'étais peu présent depuis les derniers épisodes. D'abord, l'épisode du E3. Vous savez, moi, le E3, je le faisais à Rétro Nouveau à chaque année avec Bruno un peu, mais je regarde les conférences et puis, c'est pas vraiment mon truc, là, t'sais. Ça m'intéresse, mais je suis pas full là-dedans. Fait que là, les gars, ils étaient primés pis tout. Fait que là, je leur ai laissé faire ça tout seul, toute la gang. Puis je pense que c'était un excellent show. Fait que c'est ça. Après ça, j'ai raté un autre show parce que j'ai été malade. Et puis après ça, j'ai raté un show parce que c'était mes vacances. Après ça, j'ai raté un autre show parce qu'il tombait pile la même journée que j'avais le pique-nique annuel staff de Arcane Montréal. Fait que ça a été bien difficile pour moi d'être présent là, à Rétro Nouveau cet été, dans le fond. Mais je suis là, je suis encore là, il n'y a rien qui a changé, c'est juste vraiment des circonstances qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Et puis, donc je vais revenir en force, et puis on va être là comme d'habitude. Et puis, il va y avoir des changements aussi sur le show, une couple d'affaires qui vont se passer, donc je vous recommande fortement de nous écouter lundi soir. On va commencer plus tôt aussi les shows. On va le commencer à 8h au lieu de commencer à 9h. Et puis, pour les gens, pour les Patreons qui écoutent le pré-show, d'abord, merci d'être Patreon. Encore une fois, c'est vraiment très, très, très, très, très apprécié. Le pré-show va commencer plus tôt, donc à 7h. Et puis, ça va se faire dans le salon chez JF. Bien relax avec son chat, son gros divan. Et puis le Porto 20 ans, j'espère, couverte en polar. Et puis, c'est ça, ça va être plus chill là, comme façon de faire. Puis je pense que ça va être trippant. Fait que tout ça en attendant que JF réussisse à vendre son condo et puis qu'on puisse finalement s'installer dans son éventuel nouveau sous-sol pour lequel on a des grandes idées. on va se faire vraiment un beau studio là-dedans. Donc ça va être bien excitant. Ça va être, on va être, nous, on va être à l'aise, puis ça va donner un meilleur show, puis ça va être plus beau aussi pour vous. Donc ça va être bien gagnant tout ça. Donc continuez d'écouter Rétro Nouveau, suivez notre page Facebook là, pour les développements de tout ça. Et puis, de mon côté, quand je game présentement, j'ai commencé, je me suis dit cette année, je me monte un Google Sheet des jeux que je termine. Donc, Google Sheet, dans le fond, là, c'est comme Excel. Ça, c'est exactement comme Excel, mais c'est par Google, dans le fond. Puis ça, mes petits amis, ça change la vie de quelqu'un. C'est parfait, parfait, parfait. C'est parce que tu peux synchroniser ça avec tes appareils mobiles, c'est dans ton ordinateur, c'est partout, tout le temps. J'utilise ça pour ma facturation, parce que je suis travailleur autonome, fait que j'utilise ça. J'utilise ça pour coster des lots de jeux, pour archiver puis maintenir des documents sur toute ma collection, tous mes jeux, tous les jeux NES, tous les jeux Atari, ceux-là qui ont besoin d'être upgradés, ceux-là qui sont scrap, des notes, c'est comme tout est noté. Fait que c'est ça. Moi, je vous recommande, si vous êtes collectionneur puis vous voulez garder un certain contrôle, il y a des applications, tout ça, c'est bien correct. Des applications de Pure Gaming. .org qui sont bien, mais qui coûtent quelque chose. Mais avoir un système d'archivage qu'on met à jour, qu'on faut garder ça à jour tout le temps, c'est important. Je trouve que c'est vraiment une excellente façon de collectionner. Et puis ça fait tout là, comme tu mets, si je price des jeux sur Price Charting, c'est en US, et puis j'applique une formule de conversion en canadien, puis paf, ça se fait tout automatiquement. Donc en tout cas, des heures de plaisir là-dedans. Il faut être très, très anal et puis très organisé dans le fond. Si vous n'aimez pas ça, des listes et puis prendre des notes et puis garder vos affaires propres de même, faites pas ça. Mais sérieux, si vous pouvez vous donner une certaine discipline là-dedans, ça va vraiment vous aider. Or, j'utilise ça, mais de façon beaucoup moins exhaustive pour ma petite liste de jeux que je finis. Et puis, dans le fond, je fais ça un onglet. Chaque fois que je finis un jeu, je le note. À côté, je note la console, je note la date, et puis je note si, par exemple, j'ai terminé le jeu à Easy, Normal ou Hard, ou s'il y a d'autres affaires qu'il faut que je fasse. Quand je joue à un jeu, habituellement, j'essaie toujours de jouer à Normal, minimalement. Et puis, il y a des jeux qu'à Hard, c'est faisable aussi. Puis, il y a des jeux qu'il faut faire à Hard pour avoir la vraie, vraie fin, comme Contra 3 au Super NES. Donc, ce cas-là, j'aurais pas le choix de le faire à Hard. Mais ça, je note. Ou bien, mettons, j'ai fini Super Street Fighter 2 à l'arcade, chez Arcade Montréal. Ben là, j'ai fini avec Chun-Li. Fait que là, je note que j'ai terminé avec Chun-Li. Fait que s'il me reste des choses à faire, je pourrais noter d'autres trucs. Donc, encore une fois, c'est bien anal, tout ça. Mais je sais pas, c'est comme des trophées, là. T'sais, c'est comme, ça me fait plaisir de rajouter un jeu. Je prends mon temps là-dedans. Puis aussi, ça me fait comme refaire des jeux que j'ai terminé il y a une couple d'années. Je me dis, je vais clencher celui-là puis je vais le mettre sur ma liste. Donc, premier qui est sur ma liste présentement, Super Princess Peach au DS. Ben, je vais pas tout vous dire ma liste, là, mais j'ai juste genre les 5 derniers là, à peu près. Super Princess Peach, je voulais en parler parce que j'en aurais parlé à Rétro Nouveau. C'est ça, c'est un jeu de DS, c'est un platformer. Et puis, c'est Mario qui se fait capturer puis t'es Peach. Je vais pas passer au travers là, de toute la patente, là, mais je peux vous dire que c'est un Peach, elle utilise un parapluie, un umbrella, pour faire toutes sortes de trucs. Et puis, comme frapper les ennemis, planer. Et puis, c'est ton arme, dans le fond. Puis, tu peux débloquer des skills avec de l'argent ou toutes sortes d'affaires de même pour avoir plus de skills. Mais l'affaire qui est drôle avec ce jeu-là, c'est que Peach, elle utilise 4 émotions pour faire des choses dans le jeu. Il y a la colère, là, elle pogne en feu, là, genre, puis quand elle saute, ça fait trembler la terre. Fait que tu peux brûler des choses, tuer des ennemis. Il y a un genre de... Il y a une autre émotion, c'est comme le je sais pas comment le dire, là, comme si elle était high, là, tu sais, elle flotte dans les airs, elle fait des petits tourbillons, elle est toute heureuse, fait que ça sert à voler. Il y en a un autre à pleurer, fait que tu cours super vite en pleurant ou à peut arroser des choses avec ses larmes, ça peut servir à ça. Puis l'autre, c'est comme juste un... Je pense que c'est invincible avec l'autre, je m'en servais jamais, là. Mais, fait que c'est ça. Or, c'est intéressant, mais je trouve ça un peu, tu sais, comme... au niveau de la femme, c'est pas un jeu avec une femme, ben là, c'est comme des émotions, tu sais, là. Les filles, c'est ça, c'est bien, c'est tout le temps sur les émotions, tout ça. C'est pas, je trouvais pas ça correct, tu sais, puis j'ai l'impression que les Japonais se sont pas trop questionnés longtemps par rapport à ça. C'est très, très, très, très cliché, là, tu sais, puis c'est un peu, ça peut être limite choquant, là, je pense, pour certaines personnes. Fait que j'ai trouvé ça weird, mais c'est dommage parce que le jeu, c'est vraiment un excellent jeu. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire dedans. Il y a des mini-games aussi, il y a plusieurs niveaux. Il y a 3 toads à trouver par niveau. Il y a du stock en masse. C'est juste ça là, qui est un peu bizarre. Mais bon, écoutez, faut pas boycotter le jeu pour autant. Là. Le jeu existe, il est là. Puis essayez-le, c'est pour le plaisir. Mais ouais, ça vaut la peine. Je pense que ça vaut 25-30$ maintenant, ce jeu-là. Donc, excellent petit jeu. Aussi sur ma liste, je me suis dit que j'allais battre une couple de petits jeux faciles là, pour le plaisir que ça faisait longtemps. Little Nemo de Dream Master au NES. Vous connaissez tous sûrement ça, j'imagine. Un petit garçon qui va dans le monde des rêves, là, puis il prend des petits animaux, il se promène avec les animaux, il fait les niveaux. C'est bien simple, là, platformer, faut que tu trouves des clés. Mais c'est étrange parce que c'est comme un excellent jeu de Capcom qui a pas vraiment pris de valeur. Tu sais, c'est quoi le jeu, là? C'est genre 15$, 20$. Je sais pas pourquoi ça monte pas, mais ça vaut là totalement la peine. C'est un jeu à avoir dans votre collection. Le dernier niveau m'a fait rusher un petit peu. J'avais oublié à quel point c'était comme un petit peu plus difficile quand même, là. Fait que il a fallu que je meure une couple de fois. Mais non, ça s'est quand même bien fait. Puis ça m'a rendu de bonne humeur. Je pense que ça faisait 5 ans que j'avais pas pris le temps de terminer ce jeu-là. Et puis la musique est bonne, tout est beau là-dedans. Là. Puis même que quand j'avais découvert ce jeu-là, ça m'avait mis la puce à l'oreille, puis j'étais allé écouter le film. Puis à l'origine, avant le film, je pense que c'était des petits comics qu'il y avait dans un journal. Là. C'est comme, je pense que c'est anglais. Sous toute réserve, là. J'ai pas vérifié aucune de mes sources, mais il me semble que c'est ça. Donc c'est un univers, là, Little Nemo, et puis c'est un très bel univers. C'est un excellent jeu. Parlant de Little, j'ai aussi terminé Little Mermaid. Mais ça, au NES, mais ça c'est rien, là, Little Mermaid, ça prend 15-20 minutes. Là, tu peux chercher un petit peu plus, comme des systèmes et tout ça, mais t'as même pas besoin de te casser la tête avec ça. Tu peux passer au travers de ce jeu-là tellement rapidement. Mais c'est tellement aussi un jeu comme sous-estimé. Il est plaisant, ce jeu-là, il est pas compliqué. La musique est bonne, la mécanique ça fonctionne, les contrôles sont bons, tout est bien. C'est juste comme trop facile, trop court. Les boss, c'est une vraie farce. Le boss de fin, c'est vraiment une vraie farce, là, t'sais. Donc, à ce niveau-là, c'est très dommage. Puis encore une fois, c'est un jeu de Capcom. Et dans la série des excellents jeux de Capcom, de Disney. Et puis, son prix stagne aussi, genre à 10-15, je pense. Donc, un autre jeu qui, ça vous prend, d'après moi, là, dans votre collection. Puis, jouer à ça, c'est vraiment, vraiment bon. Puis, pas cher. Autre jeu que j'avais besoin de faire, un petit jeu rapide de Konami cette fois-là, Monster in My Pocket, qui est un platformer. On peut jouer, j'en avais déjà parlé à Retro Nouveau aussi, je sais plus dans quel épisode. Et puis c'est ça, c'est un platformer, je pense que ça c'était peut-être une émission, ben, des jouets, une série de jouets, un peu cheap, ça n'a pas vraiment enlevé. Puis le jeu il est bien par exemple, ça je trouve que ça manque de fini. Les backgrounds, le look, tout ça, c'est pas complet. On dirait qu'ils l'ont sorti. On dirait qu'ils l'ont rushé, ce jeu-là. Ça aurait pu être plus élaboré un petit peu. Il y a des mécaniques le fun, mais qui apparaissent juste une fois. T'sais, c'est pas... Je sais pas. C'est un peu vide, visuellement. Mais le gameplay est bon. Puis tu peux jouer en co-op aussi avec The Monster, là, Frankenstein, puis un vampire. Il y a une twist à la fin, c'est intéressant aussi. C'est pas un jeu, un grand jeu élaboré, là, mais c'est un jeu pas mal le fun. Pas mal le fun, et puis avec de la bonne musique aussi. Dans la même veine là, que Little Nemo et Little Mermaid, là. C'est pour ça que j'étais parti dans ce stretch-là. Bon jeu. Et puis un petit dernier là, de ma liste que je voulais vous parler, c'est un de mes jeux préférés au NES. Un excellent et underrated platformer. Il s'agit de Mech Kids, le jeu de McDo. Et puis, c'est vraiment trippant. Ça avait été, je pense, mon jeu de l'année ou dans mes jeux de l'année là, à Rétro Nouveau. Je me rappelle plus en quelle année. On fait ça depuis 2011 quand même. Ça fait vraiment longtemps. Mais moi, j'ai ce jeu-là, bien sûr, j'ai beaucoup de nostalgie rattachée à ça. Et puis, c'est dans le fond, le jeu est découpé en plusieurs mondes. Dans chaque monde, il y a plusieurs niveaux. Chaque monde est représenté par une des mascottes de McDo, là, Grosse Douceur, Zoiseau, le professeur, donc le fuck-off professeur que tout le monde s'en sac, je sais pas c'est qui, j'ai oublié son nom, Mec Cosmos. Là, je vous dis les noms français parce que ça m'amuse, parce que quand moi j'allais au McDo, je prenais le petit fascicule, tu sais, la petite revue là, avec du coloriage et tout ça, là, fait que bon, il était tout là-dedans. Donc, c'est ça, Ronald aussi. Et puis, dans chaque niveau, il faut que tu trouves des cartes. Donc, chaque monde te nécessite de trouver un certain nombre de cartes. C'est les cartes de la mascotte. Et puis, tu as d'autres cartes aussi que tu peux pogner qui peuvent te donner accès à un autre univers de Ronald, dans le fond, qui est un univers plus difficile. C'est des cartes spéciales. Et puis, quand tu réussis à faire les trois niveaux de cet univers spécial-là, en ramassant toutes les scènes, là-dedans, c'est des TM de McDo. Donc, si tu ramasses tout ça, tu vas avoir des vies à l'infini. Donc, ça, c'est bien intéressant, mais tu réussis pas à, mettons, débloquer ça avant d'être rendu carrément à la fin du jeu, là, tu sais, parce qu'il faut que tu fasses tous les mondes. Fait que c'est un peu... j'ai pas pris le temps de le faire, là, j'avais juste trop hâte de finir le jeu. Et puis, c'est ça. Un système de password aurait été très bon. C'est vraiment la faille de jeu, là. Puis aussi, notez chaque niveau, là, ce que vous trouvez dans chaque niveau, parce que vous allez devoir reculer, aller chercher des cartes qui vous manquent. Et puis, c'est bien tannant de fouiller tous les mondes au complet pour une carte. Donc, au moins, si vous savez qu'est-ce que vous avez trouvé, ça va vous sauver pas mal de temps. Les mécaniques de gameplay sont incroyables là-dedans. Il y a toutes sortes d'affaires, marcher à l'envers, creuser, des trampolines. Il y a toutes sortes de gadgets là, dans les niveaux. C'est des petits bateaux, on transporte le bateau. Le jeu, il est surprenant. Il vous fait faire des affaires, puis il vous fait réfléchir aussi. Puis il y a plein d'affaires cachées partout. Donc, c'est tout le temps comme « Oh, wow, j'ai débloqué ça ». Et puis, la musique est malade. Moi, j'adore ça. Et puis le jeu, il est le fun aussi parce que les deux personnages, c'est deux enfants, un blanc et un noir dans le fond. Puis au début, tu peux choisir ta couleur, tu peux choisir lequel tu peux être. T'sais. Fait que j'avais pas vu ça moi dans le NES, au NES, me semble, dans le temps. Aucun jeu où est-ce que tu pouvais être un noir, tu sais. Donc je trouvais que c'était quand même avant-gardiste. Donc, j'ai pris le noir, bien sûr, parce que il est cool, Azaïs. Et puis, c'est ça. J'ai terminé le jeu pour la première fois de ma vie parce que c'est quand même long. Puis, j'ai laissé genre ça sur pause pendant deux semaines parce qu'il fallait. Je pouvais pas tout clencher d'un coup. Là. C'est des sessions de jeu, puis le temps de chercher tout ça. Donc, ça a été quand même fastidieux. Alors, je vous conseille fortement, mes kids. Là, c'est pas cher non plus. Là, 20-25$. Toutes des bons petits jeux, ça. Donc là, je voulais faire un update sur Arcane Montréal aussi. En fait, je vais en parler at large. Là, ça fait un an depuis le 1er avril, dans le fond, qu'on est ouvert. Et puis, donc, avril, un an, 4 mois à peu près. Et puis, 4-5 mois. Un an et demi, ça s'en vient, un an et demi. Et puis, ça va super bien, la business, là, vraiment. C'est très cool. Il faut s'habituer à ça, bien sûr. Il faut pas se stresser. Il y a des moments plus tranquilles dans une année. Il y a des moments plus forts. Mais là, on est vraiment en mesure de comparer les chiffres de cette année avec les chiffres de l'année passée. Et puis, la business est très en santé. Puis, on est vraiment, vraiment, vraiment content. Même que là, cette année, en 2017, on va essayer de comme se rembourser tout le monde au complet, nos investissements. Ça devrait être faisable. Et puis, mettre de l'argent de côté pour... En 2018, là, on serait prêt à comme aller de l'avant et puis on a des idées par rapport à ça puis penser à une expansion dans le fond. Sous une forme ou une autre, ça serait pas nécessairement agrandir le thème, agrandir la formule qu'on a là, ça serait une autre formule, toujours rattachée aux jeux vidéo, bien sûr, rétro et arcade, mais la twist serait pas la même. Donc, C'est ça. Tout ça demande des sous, de la planification et tout. On n'est pas prêt tout de suite, mais à partir de 2018, là, on serait prêt à commencer à penser à ça. Ça serait bien excitant. En tout cas, moi, j'étais un gars de projet. Moi, j'arrête pas de penser tout le temps à toutes ces affaires-là. Donc, j'ai bien hâte là, qu'on se mette les mains là-dedans. Je suis pas capable de rester tranquille. Je suis pas capable d'apprécier le fait que là, on roule puis on se casse pas la tête. J'ai hâte de développer d'autres choses. Donc, c'est bien trippant. D'ailleurs, aussi, présentement, on a des tournois Nintendo Switch. Je remercie Nintendo of Canada d'avoir communiqué avec nous. Et puis, ils nous ont donné Nintendo Switch avec des jeux et puis des cadeaux à donner aux participants. C'est bien trippant. C'est tous les jeudis. Là, il en reste deux au mois de... En fait, on va avoir fait One to Switch, Mario Kart Deluxe. Celui-là, on l'a fait hier, et puis il y avait vraiment beaucoup de monde, ça c'était trippant. ARMS, et puis on va faire Splatoon 2. Donc, c'est bien cool. Je pense que c'est Nintendo, ils n'ont pas l'habitude de faire des trucs dans les bars. Alors, j'étais bien content, et puis le payoff va être bon pour tout le monde, là, je crois. Alors, suivez ça. Et puis, parlant de Nintendo aussi, on va faire le Nintendo World Championship chez Arcade Montréal. Donc, vous savez que le Nintendo lui-même refait cet événement-là, mais à jour, là, avec les jeux d'aujourd'hui. Mais le Québec ne peut pas participer à cause de la régie là, ici, je crois. Là, c'est bien compliqué tout ça. Et puis, je me rappelle quand j'ai eu mon Castlevania 3 au NES quand j'étais jeune, sur la boîte, il y avait une pastille qui disait « Vous pouvez gagner une visite au château de Dracula en Europe. » Puis, il y avait un petit écriteau en dessous, c'était écrit « Mais pas au Québec. Void in Québec. » Donc, ça date pas d'hier que le Québec ne peut pas participer à ces concours-là. Il doit y avoir un fuck là, quelque part avec le gouvernement et la régie, donc c'est bien malheureux. Mais bon, j'en ai profité pour saisir la balle au bon. Et puis, on va faire, dans le fond, on va prendre la ROM originale de Nintendo World Championships parce qu'on n'a pas le cart original, parce qu'on n'a pas 30 000 piastres. Puis, on va faire jouer le monde. Le monde va jouer à ça. On l'a déjà fait sur Moreau. En fait, la dernière soirée sur Moreau, notre ancien modèle d'affaires, si je peux dire, dans Schlang, notre arcade privée, ça a été ça qu'on a fait la dernière journée, puis c'était bien, bien le fun. Fait que on va refaire ça, et puis on va donner une NES aussi avec Mario, Super Mario, Rad Racer et Tetris, soit les trois jeux qui sont dans le Nintendo World Championships. Donc, ça va être vendredi. Attendez, je vais vous dire la date. Je sais même pas quand est-ce que le podcast va sortir, mais bon, ça va être vendredi le 25 août. Alors, manquez pas ça. Aussi, le festival OOMPH, la fin de semaine du 9 septembre, c'est comme un festival qu'il y a dans les rues du quartier latin. Et puis, on va avoir une tente dehors, et puis il va y avoir le parcours ludique à faire. Ça, c'est comme une épreuve à réaliser pour chez Arcade Montréal, chez Meltdown, chez Randolph, et puis la récréation aussi, je crois. Donc, et puis il y a des prix à gagner. Donc, venez nous voir dans notre tente. Ça va être genre une petite épreuve au NES, là, sûrement quelque chose comme ça. Et puis, nos amis Fred Gémus et puis Jonathan Millette de Retro Love vont être sur place en dessous de notre tente pour vendre des jeux aussi. Fait que j'ai comme eu cette idée-là avec eux autres, et puis ça va être très bien ça. Donc on va essayer ça. Et puis d'ailleurs, parlant de vente de jeux, la prochaine vente de jeux chez Arcade Montréal, j'ai hâte de la faire, là, ça fait longtemps. Ça va être retardé. Je pensais faire ça justement ce week-end-là, du OOMPH, mais le OOMPH est là, fait que je peux pas. Donc je vais repousser ça à l'Action de grâce, donc ça risque d'être samedi. Le 7 octobre. Donc, suivez la page Facebook d'Arcade Montréal pour ne rien manquer de cela. Et puis, côté acquisition, présentement, j'ai moins acheté de jeux cet été quand même. Et puis, c'est très bien ça. C'est ce que je voulais. J'ai pas eu le temps de chasser les jeux. Là. J'ai malheureusement plus eu le temps de chasser les jeux. Donc, ça se passe pas sur Internet pour moi. Je fais une couple de marché aux puces là, quand je suis en voyage, quand je peux, puis ça dérange pas trop les enfants. Ma blonde aime ça aussi, c'est les enfants qui trippent pas marché aux puces. Ils pètent leur coche à chaque fois qu'on leur en parle, c'est bien drôle. Et très malheureux en même temps. Et puis, c'est ça, donc depuis que j'ai fini le full set NES, je suis comme moins stressé là, d'acheter des jeux justement, fait que c'est bien, là. C'est bon pour le portefeuille. J'ai un peu moins de job cet été aussi, donc il faut que je coupe d'indépenses. Et puis Dieu sait que cette dépense-là d'acheter des jeux, c'est totalement superflu. Et la pire, mais c'est une maladie, donc pas évident. Mais j'ai trouvé un nouveau groupe Facebook. Ça s'appelle... Ah, ben je l'ai ici, dans le fond. Retro... Hey, c'est tellement en poche. Tout le monde appelle leur groupe là, avec des noms tellement génériques. Là. Retro Video Games Buy, Sell, Trade. Donc, un nom de marde, on va pas se le cacher. Là. C'est vraiment crispant de la marde. Mais c'est bien. En fait, j'ai vu sur la page Facebook de Atari Age un gars qui a posté des jeux Atari à vendre et puis des gros. Là. Il y avait une couple de jeux loose, juste les cassettes. Puis là-dedans, il y en avait là, 4-5 là, que j'avais besoin, dont Montezuma's Revenge. C'est un jeu de Parker Brothers. C'est le seul qui me manquait pour finir la série Parker Brothers. Puis c'est le plus cher, là, autour de 60$. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai comme... j'ai flashé. Et puis ce gars-là aussi, il y avait trois jeux pour adultes. Donc, Bachelor Party, Eat'em, Beat'em, puis un autre, j'ai oublié le nom. Donc, comme Mint, là, les boîtes, tout ça, là, avec tout le kit, là, le petit étui, là, c'était vraiment magnifique. Donc, j'aurais voulu avoir ça aussi. Mais finalement, le gars, il voulait juste des échanges. Puis, il avait tradé ses trois jeux adultes pour les trois Ninja Gaiden complets. Fait que, tant mieux pour lui. Mais de toute façon, ça revenait cher. Là. On parlait de quasiment 500$ pour tout ça. Là, donc... c'est cool, mais j'avais comme pas cet argent-là à mettre. Donc, je me suis contenté des jeux seuls. Et puis, bon, c'est ça, là-dedans, en plus de Montezuma's Revenge, j'acquiers Spy Hunter et puis Star Trek. Ça va dans la série Sega. Ça, c'est fait par Sega. D'ailleurs, là, je vous parle de série, mais je collectionne les jeux Atari totalement avec Google Sheet. Je suis allé sur Atari Age, je prends le guide des labels. Il y a toutes les compagnies avec tous les jeux par label. Puis là, je me fais des onglets de label, dans le fond, des onglets de compagnie dans Google Sheet. Puis je copie-paste tous les jeux de la liste. Et puis je mets en rouge ceux-là que j'ai pas. Quand je l'acquiers, ben, je mets en noir. Et puis ça me permet là, de tout le temps avoir dans ma main là, qu'est-ce qui me manque à l'Atari. Et puis c'est ça. Donc pour la série la série Sega, Spy Hunter, je suis super content. J'ai jamais joué à Spy Hunter sur Atari. J'ai comme découvert il y a même pas si longtemps que ça existait. Très très très curieux d'essayer ça. La série Telesis, il y a Star Gunner et puis Ramit que je vais acquérir. Pardon, cette série-là va achever aussi. Et puis ça, c'est une série, dans le fond, qui a plusieurs modèles de cassettes. Et puis ça arrive souvent dans l'Atari aussi. Un modèle avec une petite poignée, ben pas une poignée, là, mais un petit rebord en avant. Il y a un modèle pas de rebord, puis un modèle avec le label noir et blanc. Donc, dans ce cas-là, moi, je veux pas toutes les sortes. J'essaye tout le temps de ramasser les plus belles ou les plus vieilles ou ceux-là qui valent les plus chers, là, finalement. Donc, dans ce cas-ci, c'est avec le petit rebord. Et puis, donc, ça achève ça avec. Je vais avoir pogné des jeux Mythicon. Il y a trois jeux dans cette série-là, dont un qui s'appelle Star Fox. Très drôle, très drôle. J'ai bien hâte d'essayer ça. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec Star Fox de Nintendo. On s'entend. Mais les labels sont beaux et puis c'est limite un peu épeurant. Fait que je vais être bien content là, d'avoir ça. Ça fait du bien d'acheter un peu d'Atari. J'avais mis ça totalement de côté à cause du NES. Et puis, mais l'Atari, ça se collectionne pas comme le NES. Là. Le NES, ça prend de la valeur. Fait que c'est pas stressant. T'achètes un jeu, il va valoir plus cher l'année prochaine. T'es jamais mal pris. Puis, mais l'Atari, par exemple, il n'y a pas beaucoup de demande pour ça. Puis, il y a quand même des jeux chers. Il y a de la demande pour des jeux chers, mais ça ne monte pas de valeur parce que le monde ne capote pas là-dessus en général. Donc, une collection Atari, ça ne monte pas vite. Là. C'est pour ça qu'il faut essayer d'acheter les jeux le moins cher possible. Parce que si à un moment donné, je me tanne ou whatever, j'ai plus de place, ça me surprendrait. Là, mais on ne sait jamais dans la vie. Je vais avoir une fraction du prix. Là. Donc, j'essaye là, de ne pas payer mes jeux Atari cher. Là. Mais c'est pas facile. Sinon aussi, je me suis pogné un Ninja Gaiden 2 complet en boîte de mon ami Eric Bonenfant à Rimouski. Bien content. Moi, j'aime ça au NES, avoir les boîtes des jeux que j'aime, des boîtes que je trouve belles. Et puis, je veux des séries. Donc là, j'ai les trois Castlevania. Pour les Turtles, il me manque Turtles 3. Les trois Double Dragon. Et puis les trois Ninja Gaiden, bien sûr, je veux ça aussi. Il me manque le 3. Tu sais, les trois Mario. Donc, tout ce qui est de 3 comme ça. Les Skate or Die. Ça, j'essaie d'avoir ça. Donc, il va me manquer Ninja Gaiden 3. Je me suis pogné aussi Xenoblade Chronicles sur Wii. J'aurais jamais le temps de jouer à ça, mais je sais pas, je trouve ça beau. Je trouve que c'est une belle pièce. Et puis, j'aime collectionner la Wii juste pour les bons jeux ou bien les Hidden Gems. Je veux pas faire jamais de full set de Wii, là, on s'entend, il y a tellement de crap. Mais, je sais pas, ça me rend heureux de collectionner le Wii. Et puis, c'est encore quelque chose qui est le fun à chasser, là, parce qu'il y en a un peu partout. Il y en a encore des jeux neufs dans des bins au Toys R Us, tu sais, ou bien à la pharmacie, en fait, puis des places comme ça. Et puis, chez EB Games aussi, des fois, faut tout le temps fouiller, là, dans ces places-là. Parce que tu peux tomber, là, sur des gems, là, que eux autres, ils savent pas que ça vaut cher, mais que ça vaut cher. Donc, voilà. Donc, très content de ça. Et puis, je me suis pogné aussi un petit jeu de DS qui s'appelle Death Junior and the Science Fair of Doom, qui est un genre de platformer 3D fait par Konami. Et puis, un petit bonhomme, là, un petit Death, là, avec une faux. Et puis, une petite faucheuse, là, tu sais. J'ai aucune idée, je connaissais pas ce jeu-là. Et puis, ça vient de mon ami Nick Chalifou, qui était un grand collectionneur de DS et puis un chasseur de jeux DS. Donc, s'il y avait ça dans sa collection, ça veut dire que c'est pas pire. Ça vaut pas vraiment cher, là, 10$, quelque chose de même, 10-15$. Mais malgré tout, c'est pas parce que ça vaut pas cher que c'est pas bon. J'ai bien curieux d'essayer ça. Fait que c'est pas mal, ça va être pas mal tout pour mes acquisitions de présentement. On sait jamais quoi qu'on sait jamais qu'est-ce qui nous tombe dessus. Fait que c'est ça. Et puis c'est pas mal tout aussi pour ma petite chronique Papa Cassette de ce soir. Bon, je vais poster ça sur ma page Facebook et puis ça va aller aussi sur RZO Web. Et puis j'aimerais que vous, si vous écoutez le show, puis vous appréciez ces petites capsules-là, faites-moi des propositions, écrivez-moi, propositions indécentes s'il vous plaît, et puis écrivez-moi sur ma page Facebook. Moi, je suis tout le temps sur les médias sociaux, c'est une maladie, mais c'est aussi un outil de travail pour le bar. Donc, écrivez-moi en tout temps sur ma page Papa Cassette, puis je lis les messages et puis je prends les suggestions. Moi, ça me rend très heureux de lire vos affaires, ça c'est sûr et certain. Donc, voilà. J'aimerais aussi faire comme du jouer puis me filmer des let's play finalement de jeu. J'ai essayé de le faire un moment donné avec un setup complètement baraque, dégueulasse, avec mon téléphone sur un livre là, puis tout. Alors, c'était pourri. Fait que, puis j'aimerais le faire authentique. Sur mon ordi, j'aimais pas la vibe. T'sais, j'aimerais ça le faire sur ma télé. Moi, je joue sur une CRT dans ma game room. Donc, j'aimerais le faire là-dessus. C'est la vraie affaire. Mais j'arrive pas à me setuper comme il faut. Là. Puis, il y a aussi un autre facteur, c'est que quand je fais des podcasts comme ça, puis des shows, puis à soir, je commence tard, là, à 10h à peu près, parce que mes enfants sont longs à endormir là, souvent. Fait que, si je veux pas tout le temps monter en haut, nanana, m'obstiner avec eux autres, parce que ça arrive, les parents, vous me comprenez. C'est ça, je commence tard, mon énergie abaisse vite, donc je sais pas, ils sont peut-être trop jeunes encore, je suis mal setupé, mais je vais trouver une solution, puis je vais demander à JF de m'aider. Ça va peut-être juste prendre un peu de temps encore, là, je pense que je suis pas rendu là. Mais juste des petites chroniques de podcast comme ça, je vais essayer ça. À la limite, je pourrais en faire un à tous les vendredis ou bien à toutes les deux semaines. On va voir comment je feel par rapport à ça. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Et puis, suivez Rétro Nouveau. Et puis, suivez Arcade Montréal. Suivez Papa Cassette. Suivez tout ça. Et puis, à très bientôt. Ciao!